Deux hommes donnent leur âme pour que vous conserviez la vôtre et se plongent dans la lecture souvent douloureuse de manuscrits artisanaux à tendance parfois érotique. Sauront-ils retranscrire dignement leurs tristes aventures ou se perdront-ils dans la fanfiction? Ce podcast est déconseillé aux mineurs. Salut à tous, c'est la 45e intro. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle année et dans ce nouveau podcast. Je suis Raphaël Danglot. C'est la 4e en fait, mais ça fait déjà trop d'intros qu'on enregistre. C'est la 3e, tu sais pas compter. Ok. Bienvenue dans le 5e épisode de Fan Friction. Cet épisode qui va commencer par une histoire de Raphaël qui s'est marié. Ouais, je suis marié. Désolé à toutes mes fans. Voilà, c'est fini. Ouais, il n'y a plus aucune chance. Il n'y a plus de game. Je suis très heureux, donc arrêtez de me demander mon numéro dans la rue, s'il vous plaît. Et dans les commentaires. Sachant qu'on a eu 2 commentaires. Et est-ce que l'un d'entre eux me demandait mon numéro? Non, c'était genre « Wow !» et « Lol !» Voilà, c'était ça, nos commentaires. Donc si vous voulez mettre des commentaires qui sont un peu moins genre shameful que ceux-là, genre allez-y. Vous pouvez toujours demander le numéro de Martin, lui il n'est pas marié. Non, mais ça ferait de la peine. À m'aimer. À ma compagne. Je vais taire le surnom. C'est mémé. Désolé d'avance pour mon ton nonchalant et ma voix d'outre-tombe. Je suis gravement malade. Je suis en phase terminale d'un rhume. Voilà, c'est pas très grave, mais... Envoyez vos dons au 8-20-20. La qualité va s'en ressentir. Pour la recherche. Voilà, c'est important. Bon, donc apparemment, je me suis fait framer. Je vais devoir commencer. Ouais, bah là... Mais moi j'ai une histoire de fin, j'ai pas une histoire de début. Donc... Ah, mais moi j'ai une histoire de rien du tout. Je sais pas si c'est le début, la fin. Mais on peut relier ça à... Voilà, c'est une histoire qui a un rapport de près ou de loin avec la nourriture. Donc est-ce un plat, est-ce une entrée, est-ce un dessert? Ça sera à vous de choisir. C'est peut-être simplement un amuse-bouche. Mais en tout cas, ça parle de quelque chose... Vous avez déjà probablement partagé un moment dans cet endroit. Un verteur original ? Ce n'est pas un verteur. Ah non, ça ferait vraiment de la fanfiction trop dégueu. J'ai essayé de trouver un truc un peu clean cette fois. Bah déjà, on part sur... Si ton thème, c'est nourriture, genre, j'ai du mal... Alors, soit c'est... C'est pas nourriture. C'est okay. Juste... On parle de quelque chose qui est plus gros que son propre fonds de commerce, si ça fait du sens. Pas trop. On parle d'une entreprise qui fait de la nourriture et dont la Ronald. Mascotte... Oh putain, le bâtard. Tu vois, tu vois, le mec est végétarien depuis si longtemps, mais il associe quand même le mot nourriture à McDonald's. Et il a raison en plus. Tu me l'as amené. T'as dit... Je sais plus ce que t'as dit formulairement, mais ça m'y a fait penser tout de suite. En tout cas, voilà, il n'y a plus de secret. C'est une fanfiction que j'ai lue sur McDonald's. Iaiao. Hein? Oh mon dieu, ok. J'espère que vous l'avez toutes compris, parce que pour ceux dont c'est pas le cas, ça va être terrible. En français ou en anglais, t'as trouvé ça? En français. Oh, alors là, ça change tout déjà. Je suis allé très loin. Parce que le plan marketing de Ronald s'est arrêté assez tôt en France, pour des raisons que j'ignore. Je suis tombé sur... Ni plus ni moins le Skyblog. Ok. D'une jeune femme qui, apparemment, en tout cas en ce qui concerne le fast-food, est multiculturelle. Et donc, elle était complètement fan de tout ce qui se passait autour de McDonald's, mais dans les produits dérivés plutôt américains. Ok. Sachant que je suis pas un spécialiste. Nous, on a eu Ronald McDonald. Je crois qu'ils ont essayé de nous fourguer les mascottes... Mascoff. Du McDonald's-verse qui existe, mais... Genre le gros piaf et des trucs comme ça, là? Exactement. Ok. Sauf que nous, genre, ils étaient un peu sur les menus et dans des jouets, peut-être. Mais aux États-Unis, il y a eu une série télé, il y a eu un dessin animé, c'était tout un bordel. Voilà, déjà dans Fan Friction, on apprend des choses, car je l'ignorais. Voilà, vous pouvez toujours sortir ça en dîner et perdre tous vos amis. Donc... Il existe apparemment dans cette contre-culture un univers qui s'appelle McDonald's Land. C'est le nom du Skyblog. Ah. McDonald's-land.skyrock.com. Et donc, on a cette jeune femme qui est passionnée de cet univers et qui décide d'écrire quelque chose dessus. Son personnage principal s'appelle Holly. Comme le chien dans Garfield ? Non, ça c'est Audi. Ah, mais tu note pour moi-même, j'ai envie de faire un truc autour de Garfield bientôt. Très bonne idée. Mais ça va être dégueu parce que avec Audi et sa langue qui traîne partout, là, je sens déjà où ça va en venir. Toujours est-il que nous avons ce personnage qui s'appelle Holly, qui est une jeune femme de 17 ans, qui est le personnage principal, mais l'histoire ne commence pas par elle, l'histoire commence à McDonald's Land. Qui est donc mais du coup c'est un lieu ? McDonald's Land est un lieu, c'est tout à fait ça. Mais de son imaginaire ou... Pas du tout. Alors, McDonald's Land, dans le monde, le vrai monde dans lequel vous écoutez ce podcast, est une espèce d'univers créé par McDonald's dans lequel vivent les mascottes de McDonald's. D'accord. Donc, il y a un maire qui s'appelle le maire McCheese. Il y a le personnage de Grimace qui est cette espèce de gros truc violet. Il y a le... Un voleur genre de Cookie Monster Chipos, quoi. Ça, c'est lui, exactement. Okay. T'as l'espèce de voleur de hamburger. Lui, tu vas peut-être voir qui c'est avec il a une espèce de tenue de prisonnier, là. Ouais, il est fin comme une brindille. Exactement. Il a un chapeau. Alors, il a une tenue de prisonnier, un chapeau de Zorro et une espèce de masque comme les Raptou, un peu. Raptou ? Dans Picsou. Ok. Et on a la Birdie, c'est une espèce de gros piaf qui doit représenter les Nuggets ou une connerie comme ça. Et donc, ils vivent tous heureux dans leur ville, slash monde, slash... Pff, c'est vous qui voyez, et donc... Mais j'avais peur que McDonald's Land, là, ça soit genre un parc à thème, en fait. C'est pas du tout... Alors, peut-être que ça existe. Mais dans la façon où tu l'as au tout début amené, j'ai cru que c'était ça, et du coup, c'est vraiment, pour que chacun ait bien compris, de la fiction brute et... Alors, je m'y connais si peu que peut-être qu'il existe un McDonald's Land. J'espère pas, je ne pense pas. Je pense que si c'était le cas, c'est des toboggans d'huile de graisse. Oh. Vous pouvez plonger dans la friteuse, etc. Oui, je t'en prie, je suis. Il y a un problème de vore à la fin, parce que qui mange les gens qui sortent de la friteuse? Bref, on peut pas emmener ses enfants dans un lieu de perdition pareil. Toujours est-il que, espérant que ce monde n'existe pas dans la vraie vie, c'est un monde imaginaire dans lequel se déroule le tout début de cette fanfiction. Donc, ça se passe, on va dire que temporellement, c'est placé, ça pourrait très bien être aujourd'hui. Imaginez que ce monde existe, imaginez qu'il existe aujourd'hui. McDonald's, ça fonctionne toujours, hein, c'est une entreprise qui sait rebondir. Mais tout ce qui concerne Ronald McDonald et les personnages et tout, c'est un peu mort. Chez nous, c'est mort depuis très longtemps. Aux États-Unis, ça a mis un peu plus de temps, mais il y avait un peu une hype, on va dire, autour de l'univers McDo il y a 10, 15, 20 ans, mais c'est complètement mort maintenant. Donc t'imagines que cet univers, il existe encore, mais il a perdu de sa superbe. Donc on est sur un Ronald McDonald un peu sépia. C'est comme ça que je l'ai visualisé. C'est juste qu'ils ont, plus tout ou moins, je crois avoir compris que genre les burgers poussent sur des arbres ou je ne sais quoi. Imagine une espèce de monde magique qui tourne autour du gras et de l'ordure et que tout donc est je pense que la femme qui a écrit ça, l'auteur, doit être très healthy dans sa façon de manger. Si elle a une telle obsession. Elle précise qu'elle n'aime pas la bouffe de McDonald's, mais qu'elle était complètement obsédée par l'univers McDonald's. Ok. Coucou. Et visiblement, elle s'identifie énormément à son personnage principal. Ok. Bon, bah, on voit Holly, alors. Donc, attention à ce que tu dis. J'ai hâte qu'il y ait trop de jeux de mots avec son blase. Il y a beaucoup de pièges dans mon histoire. Il y a des jeux de mots avec son blase ou pas? Non, parce que c'est Holly comme aux États-Unis, H-O-2-L-Y. Ouais, mais c'est pas grave. On peut quand même on n'est pas dans OSS 117, hein, s'il te plaît. Big Mac ne répond plus. Tu vas la couper au montage, celle-là. Et donc, nous avons ces personnages qui vivent dans cet univers et ils se lamentent un peu de voir que, en gros, l'univers est en décrépitude. Est en décrépitude, absolument. et que en gros ils ont tous un peu des espèces de pouvoirs magiques qui sont un peu en berne, voilà. Et tout va plus ou moins, enfin tout ne va pas mal, c'est pas genre la fin du monde et l'Armageddon arrive, mais en gros c'est la retraite qui s'avance. Ils sont tous un peu candides, mais pas aussi heureux qu'avant. Et Ronald McDonald semble être le personnage qui, on va dire, qui est le plus proche d'un humain, donc qui réfléchit selon des principes qui nous sont chers et propres. Et il aimerait trouver une solution à toute cette histoire. Donc, alors, il y avait une espèce de personnage de scientifique dans leur univers, hein, que moi, personnellement, je ne connais pas. Ouais. Il s'appelle le docteur Quizzical ou quelque chose comme ça. Bref, on s'en bat les couilles. Mes excuses, je suis malade. Et donc, il crée une espèce de machine qui leur permettrait de voyager de réalité en réalité pour essayer de trouver un peu la source de leur malheur. Très bien. On est déjà dans la fiction, là. On n'est plus du tout dans le canon, dans le canon McDonald's. Va savoir. J'ai pas vu la série. Elle dit qu'elle s'inspire beaucoup de la série. Si ça se trouve, il y a une histoire comme ça dans la série. J'en sais rien du tout. Donc, il crée cette machine et il lance la machine avec le maire et Ronald est là. Il y a son chien qui s'appelle Sunday, il y a tout le monde qui est là et ils sont tous contents de voir qu'il y a peut-être une solution à leur problème. Bref, la machine ne fonctionne pas très bien, ça tout saute. Il y a des effets de fumée des années 90, il y a des petits flashs. Et comme par magie, cette jeune femme du nom de Holly se retrouve téléportée dans leur univers. Ok, donc je suis en train de réfléchir à des jeux de mots possibles avec son blason. Donc, tranquille. Donc tranquille. Il est possible qu'à un moment... Tu vas te casser les dents sur ce problème. Ok. Donc il y a cette jeune fille qui, dans 17 ans, jeune femme, voilà, qui se retrouve... On pourrait pas avoir un truc 100% légal à un moment? C'est encore une un fois tout est légal. Si dans tu cet veux, épisode. je te ferai un peu un florilège de ce que j'ai lu d'autres et tu comprendras que ce que je te sors là, c'est un petit muffin sucré. Il y a pas de problème, tu vas l'avaler, le regretteras pas. Okay, cool. Mais j'ai lu des choses terribles et j'en reviendrai pas. Mais cette histoire est presque wholesome. Bref, elle arrive dans l'univers en étant un peu comateuse et il y a je ne sais plus quel personnage qui s'approche d'elle, qui essaie de la réveiller. Elle se réveille, elle voit ce qu'il y a autour d'elle, elle pète un câble et elle sort de son sac à dos un pistolet. Et elle commence à menacer tout le monde. Je suis où? Qu'est-ce qui se passe? Blablabla. Tout le monde a très peur et... Ils lui disent, tu es au lit. En gros, je... Wow. Ok. Elle fait un wet dream. C'est pas... Tout ce qui se passe n'est pas ma faute. Je voulais la faire depuis le début. Je suis malade, mais moi, c'est que ma santé. Donc, elle menace tout le monde avec son arme. Quelque chose lui fait peur. Elle retombe dans le coma ou je sais pas quoi. Il y a le chien de Ronald qui essaye d'attraper le flingue pour la désarmer et pour enlever les risques. Et... Incroyable facilité de scénario, le flingue tombe par terre et se déclenche en face du chien. Et en fait, c'était juste un pistolet à eau. Oh, sacré farceur. Ce qui m'a déjà un peu déçu, parce que je pensais qu'on partait dans un conte tarantinesque qui avait lieu dans l'univers de McDonald's. J'ai cru que le chien allait se faire buter et tout, ça allait être cool, mais non, ce n'est qu'un pistolet à eau. Donc, il décide de prendre cette jeune femme et de l'emmener... dans la chambre, parce que alors Ronald McDonald est le seul apparemment à avoir une baraque où il y a plusieurs chambres, donc il la fout chez lui pour qu'elle puisse se reposer. Pendant ce temps-là, le scientifique se lamente parce que sa machine n'a pas bien fonctionné, le maire est apparemment complètement teubé, donc j'ai complètement oublié ce qu'il fait parce que ça n'a jamais un rapport avec aucune logique, okay. Et les autres personnages font leur vie, bref. La fille se réveille le lendemain. Elle est un peu farouche, je crois qu'elle fout des patates à Ronald ou je sais pas quoi, enfin, il y a une histoire un peu chelou comme ça. Elle sait pas ce qu'elle fait ici, mais en même temps elle sait où elle est, parce que, comme je le disais, l'auteur s'identifie au personnage, donc le personnage dit « Oh, mais je connais cet univers, vous venez de pub d'une chaîne de fast-food pourrie, comment ça se fait que je suis dans votre monde, etc. » Et eux, ils marketing sont là, 2.0. Et eux, ils sont là, mais qu'est-ce, comment ça, chaîne de fast-food pourrie, nous, on est dans notre monde, c'est cool, on mange des burgers. Et bref, ils bouffent des burgers, elle, elle les trouve dégueux, et eux, ils sont contents, mais petit à petit, on va dire qu'elle commence à se faire à l'idée qu'elle est là. Bon, elle est toujours vénère, elle voudrait rentrer chez elle, mais disons que le premier contact est établi et que ce contact est amical. Le docteur, son nouveau projet maintenant, du coup, c'est d'essayer de renvoyer cette pauvre jeune femme dans son univers. Et il travaille là-dessus sur un moyen de tweaker sa machine pour qu'il puisse la renvoyer chez elle. Mais pour l'instant, elle est coincée ici. Donc, elle, très bien. Elle fait un peu au ça. Moins, il est altruiste dans le sens où il aurait pu juste se dire « On repart au projet initial et on a quelqu'un en plus dans les valises, mais tant pis. » Mais, oui, mais elle, elle veut rentrer chez elle, elle fait ouin ouin. Et comme les mascottes de McDo, ils aiment bien aider les enfants quand même. C'est genre leur premier truc, tu vois. Bref, c'est pas vraiment un enfant non plus, hein, je le rappelle, parce que je veux pas avoir des problèmes légaux par la suite. Mais voilà. Donc, elle se rend compte qu'ils sont tous très gentils. En plus, elle était fan de Birdie. Donc Birdie, c'est la meuf qui ressemble à un gros poulet. Qui a des espèces de gros yeux maquillés, qui a l'air gentil, bref. C'est plutôt un énorme poussin. Exactement, j'aurais pas su mieux le dire. Un énorme poussin, donc elle joue un peu avec tout le monde. On commence à avoir 2-3 scènes dans lesquelles elle doit changer ses fringues, du coup elle prend sa douche et Ronald il rentre dans la salle de bain. Alors, c'est écrit par une femme, ça se sent dans la fanfiction parce qu'on a ce truc où c'est toujours le personnage principal qui aime bien mettre la pression à Ronald en se foutant genre un peu à poil, en montrant un peu un bout de chair, tu vois. Ouais, et Ronald, il est toujours là genre... Ronald, il est quand même ultra libidineux, quoi. Non, oui, mais pas du tout dans cette fanfiction, justement. Je me mets juste une petite toffe, hein, de Ronald McDonald. On va pas être déçu. C'est chaud, j'avais oublié comment il était. Il est complètement hardcore, mais bon. À la maison, mettez-vous une petite toffe, parce que genre, moi, j'en avais un souvenir un peu plus édulcoré, et en fait, il fait vraiment genre pédophile belge en costume, quoi. Absolument, mais il est très très gentil, c'est un gentil garçon dans cette fanfiction. Ok. Donc, elle arrête pas de le mettre dans des situations où, en gros, elle se fout un peu à poil devant lui. Alors, au début, on dirait pas que ça vient d'une espèce de désir sexuel, mais... En gros, elle lui met un peu le seum, c'est son jeu à elle, et lui, il se dit « Oh, qu'est-ce que c'est que ces drôles de sensations que j'ai dans mon corps ?» Mais il est très gêné, et tout ce qu'il veut, c'est la faire rigoler, etc. Et on nous détaille en long, en large et en travers toutes les petites blagues qu'il lui fait, j'en dirai aucune parce que je serais mortifié. Très bien. Tellement ils sont à chier. Mais voilà, il essaye de la faire rire, et il essaye d'être un bon amuseur, un bon clown. Voilà, il s'appelle Ronald McDonald. Il est déguisé en clown, ça tombe bien. Ils se retrouvent de plus en plus dans des situations comme ça, genre parce qu'ils doivent tous passer le temps, hein, pendant que le docteur il répare sa machine, donc ils font des parties de cache-cache, des trucs comme ça. Il y a une partie de cache-cache où ils se retrouvent Ronald et elle coincés dans un placard. Et en gros, la base. On a tous fait ça, de toute façon. Elle lui fait un peu genre des attouchements et tout, et lui, il est là, oh, qu'est-ce qui se passe? J'aime bien, mais je comprends pas ce qui m'arrive. Voilà, des trucs comme ça, un peu. Ok, la base. Et... Vous avez tous eu 10 ans, donc vous vous souvenez, de toute façon. Et, alors, il y a quand même quelques blagues rapport à l'univers McDonald's qui sont drôles, enfin, drôles. Voilà, genre, chacun son délire. Mais genre, il y a une fois où ses vêtements, ils sont tachés, du coup, il doit changer de vêtements, donc... Ronald, il veut lui donner un t-shirt à lui pour qu'elle puisse dormir pas à poil. Et elle met le t-shirt, mais il est très court. Et donc, on voit un peu son cul. Et Ronald, il est gêné. Mais comme ils sont dans un monde magique, il a des pouvoirs magiques. On nous précise que les pouvoirs de Ronald, ils sont plus top top parce que le monde est en décrépitude. Mais il arrive quand même à... Genre, il attrape le bord de la robe et il la tire. Et la robe devient magiquement plus longue. Et... Plutôt que de faire abracadabra, il fait genre palam pam pam pam. Ok, non, mais c'est... Parce que c'est propre. Tu sais, tu partais dans ton délire de pouvoir magique, etc. Et je me demandais bien où allait être la blague. C'est pas une blague. C'est dans des trucs comme ça. Ça marche. En fait, c'est justifié parce que Je dirais à la fin combien de temps ça m'a pris de lire ça et comment c'est long. C'est incroyablement long. Du coup, ouais, les, ça a l'air. Des petits moments comme ça, ils sont gagnés. Ouais, je comprends. C'est pas gratuit. Moi, j'aurais écrit ça, c'est la première chose que j'aurais écrit, et au bout de 10 lignes, j'aurais plus rien à écrire et ça aurait été à chier. Elle, elle a réussi à faire tenir le truc sur une durée affreusement longue. Donc, respect. Donc Ronald il fait des trucs comme ça, mais finalement elle commence à lui faire des trucs genre à l'embrasser parce qu'elle se rend compte qu'il est cool, et lui il sait pas trop où se placer parce que j'ai l'impression qu'au début il est un peu asexué, mais qu'à son contact il se rend compte qu'il est capable de désirer quelqu'un, et donc petit à petit il se rapproche, il commence à se pécho. Ronald il demande à son chien de dormir au rez-de-chaussée au lieu de dormir au premier étage dans leur chambre. Le mec est grand seigneur quand même. Hein. Ouais. Le chien est chiant en même temps. Il passe son temps à gueuler le matin pour qu'on lui fasse un petit déj. Genre le chien demande des bacon egg muffins pour le petit déjeuner. Tout comme toi. Ça le gâche. Ouais, mais moi je suis pas un chien quoi. Ouais bon. Et en plus le chien s'appelle Sunday. Ok. Bref. Donc il commence à se rapprocher un petit peu. Et franchement, c'est tellement long que j'ai oublié tout ce qui nous sépare du moment où il se rapproche un peu, du moment où ça commence à vraiment faire des choses un peu sérieuses, mais ils finissent par faire la chose. Voilà, j'ai oublié comment parler de sexe. Oh, ça t'a ôté les mots, quoi. Genre, est-ce qu'elle lui mange la grande frite ? Est-ce que... Non, mais alors, il faut préciser. Ouais. C'est dans les citations, donc je sais pas si je l'ai dit maintenant ou à la fin, mais je vais le dire, celle-ci, je vais la dire maintenant. Quand elle a compris, en fait, qu'elle veut plus avec lui, ouais. Elle va s'acheter des fringues spéciales. En gros, elle se prend une espèce de... Mais attends, mais ils sont que 5 et il y a des boutiques non, le, de... Le monde, il est de... gigantesque, okay, mais okay, c'est okay. Les 5 héros, tu vois. Ok. Elle va avec Birdie faire une journée shopping. Non, mais tu sais pas tout ce que je t'épargne, gros. T'as aucune idée de ce que je t'épargne. Elle va faire une journée... Rien que la journée shopping, c'est facilement genre 40 pages. Oh, dur. Ouais. Donc, elle fait sa journée shopping. Elle revient avec une espèce de tenue. Alors, imaginez que vous êtes en Floride, vos potes sont vraiment trash, et qu'il y a une meuf... Elle était bourrée quand elle a choisi son costume et elle a choisi Sexy Ronald comme costume. Bah, j'en ai plein sous les yeux parce que quand on tape Ronald McDonald dans Google, dès que tu scrolles un petit peu, tu commences à en avoir et c'est pas très sexy. Là, ce que je vois, là, c'est pas ce qu'on m'a donné dans cette fanfiction. Ok. Parce que c'est à base de mini-jupes, seins qui sortent, etc. Tu vois. Okay. Enfin, pas qu'ils sortent complètement, pas un truc de sexe, mais vraiment genre une tenue affriolante, mais Ronald McDonald. Alors essayez de résoudre cette équation-là dans vos têtes, parce que je vais pas le faire pour vous. Mais il y a un peu de Google quand même, ça peut aider. C'est déconseillé pour votre univers onirique. Donc, elle s'habille comme ça, et lui, il est complètement bluffé de voir que quelqu'un a choisi ses couleurs favorites. Et s'est habillée de manière aussi affriolante. Et elle s'approche de lui et elle lui glisse à l'oreille. « Dis donc, Ronald, c'est un Big Mac que t'as dans la salopette ou t'es content de me voir ?» Ok. Ok. Je m'attendais à une meilleure réaction de ta part. C'est une excellente ligne. Bah... Que j'ai beaucoup apprécié lire. Ok. Non, parce qu'en fait, j'ai pas compris le sens tout de suite. Ah, c'est dans une expression sens... connue. Oui, mais je ne l'avais pas, tu vois. Et j'avais cru comprendre qu'il y avait un Big Mac dans son estomac. J'avais pas. Mais non, très bien. On parle de forme de pénis à travers les vêtements. J'ai eu après, mais en fait, ouais. La réaction. C'est désolé. Donc l'auteur est plus intelligente que Martin, retenez tout y ça. Il n'y a pas de souci. Donc, ils finissent par forniquer. Très bien. Ouais, il a fallu 5 épisodes pour que tu le dises, ce mot. C'était déjà un défi personnel. C'était intéressant de lire ce passage, parce que contrairement à la majorité des choses que j'ai lues jusqu'ici, ça c'était écrit par une fille, donc j'étais content de lire enfin quelque chose qui n'est pas écrit du point de vue de la dalle, mais qui est écrit d'un point de vue un petit peu plus romantique. Donc le romantisme va pas très loin, hein, parce qu'on parle d'une auteure qui est un petit peu rentre-dedans. Parce que pour avoir écrit un truc du genre Big Mac dans la salopette où t'es content de me voir, faut être bien beauf quand même, ah, voilà, ouais. On va le dire. Pa-la-pa-pa-pa. Mais la scène de sexe est relativement bien écrite, Donc, comment dire, on est content, en fait, pour ces deux personnages de s'être trouvés. Ok. Le lendemain, après leurs ébats, ils se rendent compte que le monde de le McDonald's Land, voilà, c'est comme ça que ça s'appelle, commence à avoir repris un peu de ses couleurs, tout le monde fonctionne un peu mieux. J'en ai pas parlé parce que c'est pas important, mais ce type qui avait plus d'appétit, d'un coup il recommence à manger, le chien il remue la queue. Tout ça parce que Ronald ou Donald, je me souviens Oh plus. mon Dieu, Ronald. Oh bah excuse-moi, c'est pas facile à dire. Tout ça parce que Ronald il a furniqué, genre le monde reprend des couleurs. C'est pas parce que C'est une Ronald a allégorie de la furniqué, mais tu famille. commences à comprendre. Non, mais franchement, la structure narrative, elle est proche de pas mal de films pour adolescents que j'ai vus dans ma vie, où c'est genre, oh, ce monde, il est en état de perdition parce que plus personne croit en nous, et là, t'as un jeune qui arrive et qui croit en eux, et ça marche. Comme la pâte à proutes du docteur Séraphin. Disponible sur Personne. Netflix. Il y a tellement de meilleures raisons de prendre Netflix, genre les films de l'âme Sandler. Ok. J'en ai vu un que j'avais encore jamais vu ce Mais combien il en a fait? Parce qu'à chaque fois que je le vois depuis genre 4 ans, à chaque fois il me dit: Oh mec, j'ai vu un film d'Adam Sandler ce week-end, je l'avais jamais vu, il est incroyable. Et on finit par toujours regarder les trois mêmes en boucle. gift that keeps on giving, Adam Sandler, my man. Bref. Donc, le D'ailleurs, sexe. Furniquet, hein, ça vient d'un film d'Adam Sandler. Pas du tout. Adam Sandler est pas dedans. Qu'est-ce que tu racontes? Ah ouais? C'est Ben Stiller. Ok, bah my bad. Bisous. Donc, ils baisent, ça va un peu mieux. Ils s'en rendent compte. Et du coup, il y a une espèce de série de baises entre eux. Ok. Il y a un moment qui est. Les moments un peu spéciaux, je suis obligé de prendre note. Il y a un moment où elle le suce. Alors, faut savoir que Je te laisse finir parce que j'ai trop de questions. avant qu'ils baisent, ils sont vierges tous les deux. J'ai sauté plein de trucs un peu dramatiques et mélancoliques parce qu'on s'en branle, mais en gros, elle a des problèmes à cause d'un certain Jed qui vient de sa vie précédente. Ok. On nous explique pas si c'est son ex ou un mec, mais bref, c'est pas très clair. Tout ce qu'on sait, c'est qu'elle a pas trop de famille et qu'elle s'est fait abandonner quand elle était jeune. Et qu'elle traînait à McDo comme enfant clodo, et c'est pour ça qu'elle a développé une passion pour ça. Waouh. On nous parle de ce Les Jed. enfants clodo qui nous écoutent, allez plutôt devant un magasin bio que devant un McDo. Ouais, mais vous allez pas développer le même la même tapisserie. J'aimerais ayez bien les petites vaches souriantes dans ce cas. Toujours est-il que donc voilà, on nous fait un peu. Clodo qui nous écoute. Il a pas de cœur. On est pas loin de Noël, mec. Genre, reste tranquille. Et donc, elle a eu des expériences traumatiques par le passé avec ce personnage dont on nous en dit pas plus. Mais pas, le résultat, c'est qu'elle est vierge, alors que c'est quelqu'un qui est plutôt genre positive sexuellement et qui a aucun problème avec ça. Mais elle est vierge avant de faire l'amour avec Ronald McDonald. Lui aussi avoue qu'il est vierge. Mais ça se passe très bien entre eux. Bref, elle Tu peux avoir finit. mon histoire de fellation là Voilà, elle le suce parce qu'elle se dit: Oh, j'ai jamais fait ça, mais je suis prête parce que c'est C'est Ronald et Ronnie. qu'il est cool. C'est Ronnie 2. Leg 9-4. Mon Dieu, c'est dans le 9-3, ta gueule. Ah merde! Ouais. Ah mais c'était le RER de la maison donc bon. À tous mes frères du 9-3, j'ai rectifié l'erreur. Ronald est confus et heureux de ce qui lui arrive. Bref. Comme chacun qui s'adonne à cette pratique. Moi, ça me rend pas confus. Moi, ça m'arrive. Mémé, qu'est-ce que tu fais? Bref. C'est un peu le dernier acte sexuel qui se passe entre eux dans le McDonald's Land et. Ah, parce que, ok, avant que tu ailles plus loin. Ah, ok, je te laisse ta dernière info. Voilà, donc c'est un peu le dernier truc qu'on nous explique qu'ils font dans McDonald's Land. McDonald's Land resplendit de mille feux, voilà, en gros. Attends, maintenant je peux caler mes questions ou quoi? Vas-y, écoute. Ok, Ronnie, il a de la peinture, il est peinture lurée. du visage. Alors, on nous explique, tout est expliqué. Ok, cool. Alors, ça fait partie de son corps, ce n'est pas un maquillage. Ok. Du coup, quand elle le fout à poil, il est tout blanc en dessous. Ok, bah voilà, c'est ça que je voulais savoir. Et sinon, je voulais savoir si la peinture venait avec l'humidité, mais non. Non. Très bien. Tu peux me poser toutes les questions, j'aurai une réponse, parce que c'était une fanfiction étonnamment détaillée. Est-ce que son ding-dong est en forme de paille ? Non, alors attends, parce que là, tu me fais sortir mes citations. Mais elle nous explique bien que elle ne se doutait pas qu'il s'agissait du menu Maxi Best Of. Oh non ! Super size, ils auraient pu faire une blague là-dessus, au moins. Bon, vu que j'ai balancé mes citations, j'en rajoute une petite. Quand ils font la partie de cache-cache, à un moment, ils vont se cacher dans un endroit qui fait peur, et il y en a un qui dit... Oui, ça, on s'en doute, mais pourquoi vous êtes venu jusqu'ici ? Cet endroit me file la chair de nuggets. Oh non. Terrifiant. C'était un peu rigolo. Bref. Ouais, mais parce que t'avais lu genre 70 pages d'un plat bien plus cosmique. Que ça. Bien plus que ça. Toujours est-il que, on va accélérer. Elle commence... À un moment, ils font une soirée costumée. Elle se déguise en personne de McDonald's. Et là, elle se rend compte que son maquillage ne part pas et que ça fait partie de sa peau. Et elle a un gros freak-out où elle se dit « J'en peux plus. Ronnie, je t'aime. T'es trop... je t'aime ton cœur. Mais il faut que je parte de cet univers parce que je suis en train de perdre mon humanité. » Et donc, elle décide... Entre-temps, le docteur Moncul, il a réussi à réparer sa machine. Donc... Maintenant que l'univers, il est réparé, si on peut dire, il la renvoie chez elle. Et Ronald McDonald décide de partir avec elle. Ok. Et c'est Donald Trump. Non, mon Dieu, non. C'est la faute du nombre de photomontages qu'il y a sur Donald Trump et Ronald McDonald sur Google. C'est pour ça que je pense à Donald Trump depuis le début. Il y en a beaucoup trop, en fait. Donc, en tout cas, les deux se font téléporter dans le monde actuel. Ronald peut enlever son maquillage et ils se rendent compte que dans le monde actuel, en fait, McDonald's a vraiment repris de sa superbe. Pas économiquement, parce qu'encore une fois, McDonald's, c'est une marque dont j'aimerais bien avoir des parts chez eux, parce que ça marche très bien. D'ailleurs, Kanye West, des fois, il achète des franchises McDonald's à Kim Kardashian pour Noël. Ok. Parce que c'est un excellent investissement. Et super romantique en plus. On va pas les juger, moi je trouve que c'est un couple respectable. Ok. Ouais. Je suis pas d'accord. Et donc, en fait, leur action dans le McDonald's Land a restauré un petit peu la superbe de McDonald's dans notre monde à nous. Mais genre, du coup, ils font de la bouffe healthy. Ils font pas de la bouffe healthy, c'est juste que. Ils font de la meilleure bouffe. Parce que, en gros, parce que j'ai zappé toute cette partie-là, parce qu'il y a tellement de parties à zapper, mais elle a donné des conseils de comment faire la bouffe là-bas, genre, oh, vos burgers, ils sont dégueux parce que blabla, trop sec ceci, pas assez de sauce cela. Et donc, elle a donné des conseils et on va dire qu'ils se sont répercutés dans le vrai monde et que maintenant, McDonald's, c'est genre Shake Shack, ils font des super burgers. Filet mignon, tout ça. Peut-être bien. Donc, McDonald's, ça marche vraiment bien. Elle rencontre le fameux Jed qu'on nous apprend que quand elle était clodo, elle traînait autour d'un McDo et qu'il y avait un mec déguisé en Ronald McDonald qui l'avait un peu pris sous son aile. Et donc, c'était le fameux Jed. J'ai un peu perdu le fil, c'est difficile à raconter, mais cette partie-là est étonnamment bien écrite. Ok. Parce qu'au final, la boucle se boucle, t'as des personnages mystérieux et le payoff de qui ils sont, ça fait quelque chose. T'as Ronald qui arrive à trouver sa place dans le vrai monde à la fin et je sais pas, il y a vraiment une sensation de fin bien écrite. C'est pas comme dans Attends, Lost. Mais là t'as fini d'en parler, il y a plus d'histoire. Hein. C'est plus ou moins la fin parce qu'ils se retrouvent là et en gros tu comprends qu'ils vont bosser pour McDonald's maintenant et que. mais c'est... en tant que genre cuisinier ou non, marketing. Non, en tant que genre chef marketing. Ok. Alors après, si j'ai bien compris, elle a réécrit une deuxième fanfiction où la nouvelle mascotte de McDonald's, l'espèce de boîte de Happy Meal rouge, là. Ouais. C'est leur ennemi juré. Ok. Tout le monde peut sympathiser avec ça, je pense. Mais cette histoire-là se termine comme ça, avec un happy ending. Oui, ils sont tous contents et voilà. Donc, c'était pas trop lourd sur le sexe. C'était enfantin et en même temps non. Je suis partagé parce que j'ai vu que cette meuf qui a écrit ça, elle a le même âge que moi. Elle est née genre un mois après moi et elle a écrit ça en 2016 et ça me fait très peur. Oh, chaud. Ouais, genre, et elle non, avait déjà, 26 ce qui est ans. Chaud, ce qui est chaud, c'est que le médium qu'elle a choisi, soit ce soit Skyblog. Ah oui, non, mais parce que en 2016, un Skyblog, c'est incroyable pour moi. En 2016, les technologies avaient fait... Ouais. Et genre, il y avait genre Tumblr. Non, mais c'est genre une meuf qui vient d'une région paumée de la France et qui est un peu qui est du genre créative, mais qui a probablement pas l'entourage qui va avec et qui travaille à l'atelier du sourcil ou un truc comme ça, voilà. Très bien. Et qui a donc qui fait quand même vachement de cosplay déguisé en son personnage de la fanfiction. Il y a énormément de photos. Ah bon, ouais. Maman. Donc elle est vraiment engagée dans sa fiction et je la respecte beaucoup pour ça. Mais effectivement, le format Skyblog, il est très, très discutable. Et surtout que, vraiment, je ne peux pas quantifier ça parce que c'est des pages de blog. Je peux pas traduire ça en pages de livre. Mais je me suis tapé 35 pages de Skyblog remplies à ras-bord. C'était énorme. J'ai passé 3 heures à lire ça, littéralement. Sachant qu'il lit super vite, moi, ça m'aurait pris, je pense, 12 heures. 2 heures et demie, 3 heures, facile à lire ça. Les chapitres sont super longs, il y a des détails pas à mort. Donc, encore une fois, respect, mais très difficile à retranscrire dans ce podcast. Et je vois qu'on est déjà à 36 minutes et j'ai le seum. C'était trop long. Mais voilà, l'histoire est l'histoire que je vous ai racontée. Il y avait un peu de sexe. Il y avait du bonheur, il y avait du McDonald's, c'était sympa. J'étais content d'avoir trouvé un thème un peu spécial, parce que je ne m'attendais pas à tomber sur une fanfiction sur McDonald's. Et crois-le ou non, je suis sorti de chez moi quand j'ai fini de lire tout ça, et je suis parti au McDo m'acheter à bouffer. Mais non. Et si tout ça, c'était pas genre un big scheme of marketing et que du coup, genre... Eh ben, si c'était le cas, c'était vraiment bien fait. Et bravo à l'équipe marketing, vous êtes bien meilleur que chez Fanta. Oh putain, tu cliques et t'es scotché. Waouh. Et du coup, t'as pris un menu Big Mac sans arrière-pensée J'aime pas le Big Mac. Je ne suis pas team Big Mac. Je prends souvent plein de trucs à droite à gauche et je fais ma sauce, ma tambouille. Très bien. Donc, maintenant que je me suis... débarrassé de cette patate jaune. qu'est-ce que t'as pour moi, toi? Alors, c'est très bizarre. 2018. 2018, grande... 2018. Ça doit être un grand cru. Alors là... On doit tous commencer l'année du bon pied. Moi, j'ai donné de la bonne vibes. comment te dire? Moi, je suis allé dans les archives, carrément. Je suis allé dans un endroit où Internet n'existait pas encore, et j'ai été, par un incroyable hasard et une extrême sérendipité, retrouver... Oh, tout le monde est en train de googler le mot, et non. Probablement qu'il l'a mal utilisé. Non, non, j'ai encore utilisé un mot incroyablement intelligent et à propos, sans être rewardé de ce génie. Bon, toujours est-il que... En gros, je suis complètement tombé dessus par hasard, et sans même rechercher pour cet épisode, mais en fait, ça fitait parfaitement. Donc, en gros, ce que j'ai retrouvé, c'est un espèce de SAS, S-A-S, là. Mais c'est pas tout à fait ça. Pour en fait, tous ceux qui voient pas ce que c'est, explique. Bah, je sais pas trop bien ce que c'est, mais c'est une série de littérature érotique. Mais d'ailleurs, il y a un grand nom du podcast français qui a à peu près l'équivalent de notre podcast consacré exclusivement au SAS. Je m'en suis rendu compte il y a pas très longtemps. Il a tout compris. Il a tout compris. Il nous a coupé l'arme sous le pied, mais il paraît que c'est génial et je vous invite à écouter de Henri Michel, je crois, qui s'appelle le mec. Et je sais pas comment s'appelle le podcast, mais bref, vous trouverez avec vos petits doigts. Et bref, c'est un supplément qu'il y avait dans un magazine genre masculin porté plus sur le mâle alpha dans les années 70, je crois. Et bref, c'est une histoire de malade, qui est une fiction, hein, et qui, au début, j'ai cru qu'il n'y avait rien à voir de fanfiction dedans, et je me suis dit, est-ce que je le fais rentrer quand même? Mais j'ai eu un payoff, parce qu'il s'agit de fanfiction. Donc, Mais pas un biais très dérivé. Tu sais, le grand n'importe quoi, c'est quitte ou double, ce que je m'apprête à faire. Toujours est-il que... Il s'élance. J'ai envie de prendre moi. Mais... Numéro 2. Ma respiration, un grand coup. Bref. Dans cette histoire, on va suivre les expériences d'un espèce de scientifique fou américain de l'Université de Californie, c'est précisé. J'adore les scientifiques fous. Hein ? J'adore les scientifiques fous. On est surtout dans un thème scientifique fou, et ça, c'est assez incroyable qu'on a réussi à trouver une pierre angulaire autour de nos deux histoires. Et bref, ce scientifique fou, on est dans les années 60, donc c'est l'âge d'or de la conquête spatiale, qui me manque terriblement. Et toujours est-il que, du coup, la NASA était pleine de fric, et on distribuait à qui voulait bien leur faire un PowerPoint un peu intéressant sur quelque chose qui allait les aider. Et du coup, ce scientifique fou débarque avec tout un projet autour des dauphins, pour apprendre apprendre aux dauphins à parler anglais, en fait. Parce que si tu apprends, si tu arrives à communiquer avec les dauphins, à terme, tu auras établi un processus d'apprentissage qui te permettra d'apprendre aux aliens à parler anglais et du coup à communiquer avec... Mais pourquoi les dauphins ? Parce que les dauphins, genre, dans les années 60, c'était genre trop hype et que genre... tout le monde disait que c'était genre super malin et qu'on se dit que les aliens ils vont être super malins. Et... C'est relativement malin, mais les dauphins sont des violeurs patentés. Bah, on risque de le découvrir. Ah bon alors. Ça sert à mon propos. Et toujours est-il que du coup, il arrive à se faire financer donc cette recherche en étant un peu flou sur ce qu'il annonce, mais juste que il veut apprendre aux dauphins à parler anglais ou sinon à communiquer avec les dauphins dans vraiment le but d'avoir la méthode assimile universelle pour apprendre l'anglais à toutes les formes vivantes possibles et inimaginables. Jusqu'à là, on est bon ? Ouais, j'écoute avec attention. Très bien. Et du coup, ce scientifique, comme il vient de récolter plein de thunes, il se fait construire genre un mansion de ouf, genre à Saint-Martin ou Saint-quelque chose. Saint-Barth ? C'est pas Saint-Barth, mais on va dire Saint-Barth, parce que c'est une île anglophone, donc... une île des Caraïbes, ouais. Où il fait bon vivre et où il y a de la petite musique et des femmes avec des noix de coco. Sexiste. Non mais en... dans les années 60, on s'en bat les couilles. Bah ouais, cuisine. Okay. Enfin bref. Non, je parlais des noix de coco, les soutiens-gorge noix de coco. Oui mais c'est jamais... Oui non mais jamais, on est dans de l'idéalisme communiste. Quoi ? Colonialiste, pardon. Ouais, d'accord, etc. Donc, bah, il fait construire sa magnifique maison incroyable, etc. Qui est venu avant ? Le soutien-gorge noix de coco ou les colonialistes ? Il fait construire sa maison. Franchement, je pense que c'est les colonialistes. C'est un autre topic, je suis presque sûr. Mais ça vaut le coup. C'est pas pratique de faire un soutien-gorge dans du... Faut avoir le bonnet pile exact pour la bonne noix de coco, ouais, c'est mais compliqué. Bon, si tu vis sur la plage, t'as v'là les noix de coco. Ouais, mais ça périme en plus, non ? Donc si t'as ton soutif préféré, il périme, tu fais quoi ? Mais non, ça sèche, ça périme. Pas si le reste sèche. De... Ouais, mais t'as pas envie d'avoir l'essence sur un truc tout sec. Ah oui, bah ça... Souviens-toi, genre le Moyen-Âge, leur jupe et leur slip et tout, c'était genre rêche comme la... Ouais, mais là, on parle des années 60, on parle pas du Moyen-Âge. Ne parle pas des slips du Moyen-Âge, hein, parce qu'il y a de la fanfiction là-dessus, probablement. Là, on parle de soutifs dans les années 60. Viens, on avance, okay. Parce qu'il faut que je te décrive mon manoir. Bref. Le mec, il commence à faire des délires et tout, et il construit une énorme piscine qui est reliée à la mer et tout, comme ça, les dauphins, ils sont en captivité, mais c'est les dauphins qui ils sont trop à l'aise, et genre, okay, c'est la belle vie, quoi. Et bref, et il y a une femme, qui s'appelle Margaret, qui est un peu aventurière, et elle est décrite comme ça, un peu fofolle, et elle se retrouve à marcher donc sur cette île, où elle a pris une année sabbatique, etc. Et elle je voit... Sens des... je sens qu'elle va servir de pâture à Flipper. Le mot est bien choisi. Les deux mots sont bien choisis, d'ailleurs. Et du coup, elle marche comme ça dans une allée où il y a marqué des panneaux « N'avancez pas, propriété privée, go away », des trucs comme ça. Et du coup, elle est Get off my lawn. Elle est trop curieuse parce qu'elle a entendu dire qu'il y avait un scientifique qui s'était installé là et tout. Et bref, et du coup, elle se pointe là-bas et elle dit « Bonjour, vous êtes un scientifique, vous, il paraît que vous faites des trucs sur les dauphins, j'ai trop envie de vous aider. » Du coup, le mec, il dit... Bonjour, quoi. Vous êtes un scientifique fou. Ouais, mais c'est à peu près ça, que c'est comme ça que c'est écrit, quoi. Okay. Et la meuf, elle dit... Et le mec, le scientifique, lui dit, bah ouais, grave, vas-y, rentre. En plus, j'ai besoin de quelqu'un pour mes expériences, tu vois. Parce qu'il avait une batterie de confrères scientifiques, mais pas de spécimens de tests, entre guillemets. Mmh. Et du coup... Il lui fait le tour du propriétaire, en gros, et la meuf découvre donc une maison qui est construite sur pilotis, qui est, comment dire en français, inondée de 80 cm environ. Donc tout le sol est rempli de 80 cm d'eau. Il y a quelques, genre, des tables où le lit, il est un peu en hauteur, mais c'est une maison normale, une luxueuse. Une maison normale où Passepartout n'a pas pied. Ou bah limite quoi, genre voilà, c'est vraiment, c'est une maison où Passepartout il peut nager en marchant et ça lui arrive au cou, quoi. Et il y a même un balcon grandiose avec de l'eau, il y a de l'eau partout en fait, parce que c'est des dauphins, ils sont trois à vivre dans la maison. Putain, c'est génial. Ouais, c'est génial. Et il y a même un système de poulies qui permet de descendre les dauphins. T'as dit pilotis et poulies dans le même podcast, c'est chaud, mon gars. Un système de poulies qui permet de descendre les dauphins jusqu'à leur piscine en eau de mer en dessous s'ils en aient marre d'être dans la maison, etc. Quoi. Comment ils font pour actionner la poulie avec leur nageoire? Mais non, c'est les humains qui le font. Ah, donc quoi. Genre les humains, c'est leur bitch en plus. Ouais, parce que c'est une maison pour dauphins dans lesquels des humains peuvent vivre dedans. Ok. Et du coup, le mec, il lui dit, genre, c'est un peu chaud, mais est-ce que tu veux vivre dans ma maison à dauphins? On va faire des expériences et tu devras leur apprendre à parler anglais et tout, tu vois. Donc elle, apparemment, elle est clodo aussi. Donc en fait, le thème de ce non, soir, c'était ça. Non, elle est pas clodo. Elle est vraiment genre, c'est une bohème, tu vois. C'est vraiment, elle est en elle année sabbatique. Vraiment super... elle fait une pause dans ses études de philosophie ou je ne sais à quoi. D'accord. Et elle est partie parcourir le monde, tu d'accord. vois. Bah, elle va avoir des choses à écrire en revenant. Bah oui, beaucoup. Et il y en a beaucoup qui ont été écrits d'ailleurs. Et bref. Et du coup, le mec lui présente ça, la maison et tout, et il lui dit, voilà, est-ce que vous voulez bien être professeur d'anglais pour dauphins et vivre dans cette maison immergée, en gros, et du coup, vous devrez dormir au milieu des dauphins et tout, blablabla. Et la meuf dit, ok, genre, ça la branche grave, mais elle avait une connexion avec un seul des dauphins, tu vois, il y avait trois dauphins. C'est quoi son place ? Le dauphin s'appelle Peter. Et c'est là où c'est une fact-fiction. Parce que les trois dauphins, c'est des dauphins stars, un peu, parce qu'ils jouaient dans la série Flipper le dauphin, dans les années 60. Mmh. Et une fois que la série a été terminée, le producteur, il a revendu ses dauphins à ce mec-là, au scientifique. Ouais, donc le scientifique a des dauphins stars dans une maison avec une meuf qui habite dedans. Jusque-là, t'as à peu près, pour leur apprendre l'anglais. Bref, elle bande qu'avec un seul... J'ai vraiment l'impression que c'est le scénario d'un film d'Austin Powers pour enfants. Bref, tu verras. Et bref, la meuf a des liens qu'avec un des dauphins, et les autres s'entendent mal, elle a plus de mal avec les autres dauphins, qui sont, comme de par hasard, deux femelles, et celui avec lequel elle s'entend bien, et un jeune adolescent arrivant bientôt en âge de la sexualité. Et laisse-moi deviner, il y est déjà. Il y arrive. Et bref. Il va y arriver pendant cette fanfiction. Exactement. Et bref, et pendant les trois premières semaines, tout se passe bien. Elle essaye de lui faire des cours des cours d'anglais. Et alors là, c'est décrit, c'est assez incroyable parce que, genre, c'est assez scientifique. J'arrive pas à me souvenir du nom de la revue dans laquelle j'ai trouvé ça, mais en gros, ils expliquent que le dauphin, il n'arrive pas à faire des. Le seul truc où il peut faire des bruits, là, c'est son trou sur la tête, là. Mm-hmm. Je sais plus comment ça s'appelle. Son blowhole. Ouais, mais je sais plus comment ça s'appelle en français. Et enfin bref, avec ce truc là, et du coup il y a des sons qu'il peut pas faire, alors il plonge dans l'eau pour le faire le son spécial et tout, et bon enfin bref, c'est assez stylé quoi. Et au fur et à mesure du temps, il commence à genre beaucoup jouer avec l'entre-doigt de pied, entre ses, l'arrière de ses genoux, etc. Et c'est des trucs qui genre... Sorte de préliminaire. Ça le fascine complètement parce que lui, il a pas ça, tu vois, des doigts. Et genre, il fait que mettre son museau dans le, l'interstice entre le pouce et l'index et des trucs comme ça. Et genre, dès qu'elle joue avec une écharpe dans l'eau ou des teabags, et du coup, l'utilisation du mot teabag me faisait hurler de rire, parce qu'il s'adonnait à courir après le teabag dans toute la maison, à le déchiqueter, et genre jouer avec les petits morceaux de thé qui s'effaçaient. Les jours passent, elle dort du coup sur un petit lit qui surplombe l'eau, et lui dort juste à côté en étant bien docile, et si elle a le malheur de laisser un bout de pied qui dépasse, genre... Ça lèche sévère, quoi. Jusqu'à un moment où les cours d'anglais sont de plus en plus difficiles parce que il est de plus en plus taquin et coquin, quoi. Du coup, elle commence à comprendre, elle... C'est un petit canaillou, quoi. C'est un petit canaillou. Lui commence à... Elle commence, donc, Margaret, à comprendre que... Quel âge elle a, déjà ? Elle a, je ne l'ai pas précisé, mais elle a une petite vingtaine, donc je crois 22 ans, quelque chose comme ça, maximum. Non, allez, 24 maximum, quoi. Et elle s'est peut-être juste dit early 20 ou quelque chose comme ça. Fort 20. Et bref, je ne sais pas. Et du coup, il est de plus en plus pas concentré dans les cours, et elle, ça la rend ouf, parce que, genre, il fait quand même des progrès, dans le sens où il arrive à dire des choses, enfin, commencer à dire les lettres, à dire son nom, qui est très compliqué, etc., machin, et avancer là-dessus. Et du coup, elle commence à se laisser rebé par le... Enfin, se laisser monter, entre guillemets, mais sans... J'essaie de traduire les mots anglais que j'utilise, que je devrais pas utiliser. Mais se laisser frotter par le dauphin, etc., jusqu'à ce qu'elle comprenne que le dauphin était un peu là pour ça, quoi. Et mon esprit d'analyste m'oblige à te poser la question suivante. Y a-t-elle un moment où elle a ses règles ? Non. D'accord. C'est pas précisé. Dieu merci, et j'emmerde ton esprit d'analyste. Parce que là, il est un peu Dark Age, quand même. Dis pas Dieu merci, c'est pas sale. Ben oui, c'est pas le propos, mais je sais pas pourquoi t'y as pensé. Mais parce que comme c'est dans l'eau, ça se diffuse, et du coup, genre, si lui, c'est un gros excité du bulbe... Ouais, mais elle a peut-être genre une underwater cup waterproof. Ouais, mais rien. Bon, la pub, elle dit que ça fonctionne, mais... Bon, moi, on m'a pas moi prouvé, j'y sais, hein. On m'a déjà baisé, hein. Enfin, bref, et du coup, genre, après qu'il se soit frotté contre elle, elle comprend qu'il a dû jouir, et en tout cas, est beaucoup plus réceptif aux leçons. Du coup, à chaque fois qu'il commence à faire ça, elle le laisse faire parce que scientifiquement, ça l'intéresse, même si elle n'est pas scientifique, mais pris au jeu, en tout cas, elle le laisse faire, et comme ça, il écoute beaucoup mieux aux leçons, etc. Jusqu'à un moment où, là, il se met carrément sur le dos, donc il faut imaginer un dauphin qui se met sur le dos, et en gros, il fait des mouvements de pattes en mode genre « Hey, ma tub, quoi, tub, ouais, d'accord. » etc. Et du coup, la meuf... dit... La meuf foutue pour foutue et dans l'intérêt de la science, quoi, bah du coup elle masturbe le dauphin, quoi. Mais jusqu'ici je suis à fond dedans parce que je comprends. Ouais. Je ne vois pas un développement putassier de l'histoire, jusqu'ici je suis encore dedans. Je pense que j'aurais fait le même choix qu'elle. Si j'étais vraiment scientifique pour la science. Ouais. Bah elle est pas scientifique, elle est pas décrite comme scientifique. Oui, mais apparemment elle est assez intéressée par la science pour aller s'installer dans un putain de bungalow inondé. Avec des créatures marines. Non, mais c'est marines. Un palace, hein, c'est un palace. D'accord, mais... c'est un palace, mais est-ce que tu quitterais ta vie pour aller vivre dans une putain de maison inondée pour vivre avec des dauphins Bah, elle kiffait les dauphins de base, c'est écrit, etc. Quoi. Ouais, voilà. Donc, bref, elle continuait à le branler de plus en plus souvent pour que... Il assiste mieux au cours, et le scientifique fou qui dit quand même, ça fait 4 mois que j'ai enfermé une meuf dans une prison de flotte, dans un palace. Ah, lui, il est jamais là? Bah, juste lui, il surveille, il est un peu en mode Big Brother, tu vois, et genre, okay. Il donne des instructions par microphone. Et il dit quoi quand elle le branle? Bah, genre, il est en mode, genre, oh, c'est chaud, mais il écoute mieux, donc on s'en fout, tu vois. Et bref, et ça marche toujours pas, il s'entraîne fort, tu vois, c'est même précisé que le dauphin, il va genre dans sa chambre, et genre, il est en mode, il essaye de faire l'alphabet et tout, genre, il est trop déterminé, mais ça marche pas, quoi, c'est un dauphin, il peut pas parler anglais. Et du coup, genre, le docteur fou, il lui donne genre du LSD, et la meuf, elle dit, quoi, t'as donné du LSD au dauphin, je veux pas qu'il en ait double pas, double ration de branlette ce soir. Et du coup, elle, elle prend du LSD, etc. Enfin, bref. Quoi? Ça part en couille, okay. Mais... il y a un vrai twist dans cette histoire. Et est-ce que t'es prêt pour ce twist? Je sais pas. C'est une histoire vraie. Non. Si. Je suis pas étonné, mais non. C'est une histoire vraie. Quoi? Ouais, c'est une histoire vraie. Donc ça a vraiment été fondé par Founded. Donc, non, attends, attends. Ok. Ouais, ouais, ouais. Juste, est-ce que c'est vrai ce moment de l'histoire où le dauphin il va dans sa chambre? Et qui récite son alphabet, oui, j'ai vu des vidéos, c'est incroyable. C'est incroyable, il y a un documentaire qui s'appelle The Girl Who Talk to Dolphins, qui est disponible sur Channel 4, ou une chaîne anglaise que j'ai réussi avec un VPN à trouver, enfin bref, c'est incroyable. La maison est vraiment stylée, et du coup, il y a vraiment un scientifique fou qui s'est fait financer par la NASA pour faire ça, ça a duré je sais pas combien de temps. Et quand il a commencé à avoir du LSD pour le donner au dauphin, il le prenait pour lui-même. Du coup, il est devenu encore plus dingue. Du coup, il y a genre la marine et la navy qui donnaient de la thune aux scientifiques qui sont venus faire une visite de courtoisie. Et le mec était complètement shooté avec une meuf qui branlait des dauphins. Et du coup, ils ont dit genre, on arrête tout. Genre, c'est quoi ce délire? Et bref, et l'histoire est sortie dans la presse quelques années plus tard. Et la meuf est assez à l'aise avec ça, en fait, dans le sens où elle disait, comme toi, tu disais, c'était pour l'intérêt de la science et elle n'y voyait aucunement une histoire sexuelle, quoi. Mais ça, je veux bien l'entendre, mais c'est fou, parce que les dauphins mâles sont connus pour être des gros violeurs, et genre, ils violent des humains aussi. Ah, oh, c'est dommage, j'ai oublié quelque chose. Ah, si oui. J'ai parlé du truc à poulie, plus tôt, je m'en veux de l'avoir oublié, mais j'étais tellement excité de t'annoncer que c'était une histoire vraie, parce que ça fait des semaines que j'ai lu cette histoire et que je me demandais si j'allais réussir à cacher le pot-au-feu depuis le début, quoi. Le pot-au-rose, pas le pot-au-feu. Oh putain, c'était pas fait exprès. Non. Le petit salé. Enfin, bref. Quand il commençait à être excité au tout début et qu'elle a commencé à comprendre que genre il voulait genre passer à l'étape Tu peux juste dire il voulait. Voilà. En fait, elle le mettait sur son petit chariot élévateur et elle l'utilisait la poulie pour le refaire descendre en bas. Comme ça, il niquait les dauphines. Et après, il se remettait sur son chariot élévateur, elle remontait la poulie, et après, il finissait ses cours. D'accord. Donc, il y avait toute une logistique autour de la sexualité de ce dauphin. Voilà. Bah, c'est une histoire absolument fascinante. C'est marrant, parce que moi, la seule l'histoire... Alors, si j'étais en soirée et qu'on me demandait une histoire de dauphin, je raconterais plutôt l'histoire du mec qui possède un dauphin de sexe féminin, et que dans sa tête, il est marié à elle, ils font l'amour souvent. Ouais. Est-ce que tu parles du mec qui a écrit le livre? Il a écrit qui un s'appelle livre, ouais. Wet Goddess. Absolument. Très bien. Et... parce que oui, c'est un fan favorite d'Internet. Mais oui, ce mec existe vraiment. Et lui, il défend le fait que la dauphine, elle veut ça et que c'est sa volonté. Et bien sûr, les experts sont contre l'idée. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, les dauphins mâles, tu les fous seuls dans une piscine avec une meuf. Il n'y a vraiment rien qui les en empêche. Des fois, c'est un peu dangereux. Et c'est pourquoi ça tombe parfaitement que tu parles de ce mec-là. Parce que ce mec-là a fait une interview il y a quelques années en disant... Ouais, j'aurais bien aimé être dans les années 60 quand même. Genre... non, parce que lui, son histoire de dauphin et tout, c'était dans les années 70, je crois. Il a un dauphin. Là, actuellement, à l'heure où on enregistre ça, il a une piscine avec une dauphine à l'intérieur. Ah bah alors, je parle peut-être d'un autre furniqueur de dauphins, dans ce cas, qui a dit que franchement, c'est elle aurait pu en parler... C'est mon nouveau subreddit favori. Elle aurait pu en parler plus tôt, parce que franchement, lui, ça fait 30 ans qu'on lui jette des pierres parce qu'il couchait avec une dauphine, d'accord. Et qu'elle, elle a rien dit, et que franchement, c'est vraiment qu'une pute d'avoir rien dit pendant tout ce temps, quoi. C'est pas pareil, elle masturbe les dauphins. Faut... Et sachant que sa dauphine à lui, elle s'est suicidée d'après lui, parce qu'il l'avait pu coucher avec pendant 6 semaines. Oh. Voilà. Donc une belle histoire de zoophilie. Je pensais pas que ça allait moi qui allais décrocher la timbale. <Et ouais. rire> Mais c'est 2018. Moi qui ai la timbale. Je suis marié maintenant, j'ai plus le droit. Mais je suis très fier d'avoir réussi à te faire une introduction suffisamment alambiquée pour que tu penses pas tout de suite à ce que ce soit une histoire vraie. Bah c'est juste que mon erreur, elle vient de mon... Voilà, je pensais avoir l'histoire la plus hardcore sur les dauphins. Je pensais avoir la connaissance la plus profonde sur les dauphins. Et encore une fois, c'est mon narcissisme qui me perd, parce que tu l'avais. Mais si je l'avais vu arriver, oui, j'aurais tout à fait pu comprendre que ce truc-là est vrai. Mais effectivement, ça m'a pris par surprise. Sachant que dans le documentaire anglais, c'est même Jeff Bridges qui fait la voix off. La putine! Ben, il est mort, Jeff Bridges, quoi. Mais Jeff Bridges, il est pas mort, mon gars, t'es sérieux? Jeff Bridges, c'est le mec qui fait le dude dans Big Lebowski, il est jamais mort. Ah, moi, je croyais qu'il était mort. My bad, Jeff Bridges. Non, pas. Mais le jour où il meurt, c'est We Riot. Ben, j'ai cru qu'il était mort il y a genre un an. Non. Ben, voilà, je pense qu'on a fait le tour de ce vaste sujet. C'était risqué, mais je suis content que ce soit passé, tiens. McDonald's et dauphins, et ben... Il va plus qu'à nous rester à trouver un beau mélange pour le titre de l'épisode. C'est un sacré épisode. Bah, je sais pas. Comment ça pourrait s'appeler? Je voulais l'appeler sur place ou emporter, mais ton thème rentre pas dedans. On va trouver mieux, on va trouver quelque chose. C'était quand même pas mal. Je salue l'initiative. Merci. Très bien. Eh bien, j'ai plus qu'à vous remercier de nous avoir écoutés pour ce 5e épisode. Si vous n'avez pas encore écouté les autres épisodes et si Rafi voulait bien arrêter de faire des bruits de tasse, je pourrais finir mon outro en vous conseillant d'aller écouter les autres, de nous suivre, de mettre des petits cœurs. Et un jour, on sera peut-être sur iTunes et il faudra nous suivre aussi là-bas et mettre des commentaires. Donc si vous écoutez ça dans le futur et que ça existe sur iTunes, faites-le. C'est bien le futur ? Ouais, dites-nous. Envoyez, mettez-nous un commentaire pour qu'on sache comment c'est le futur. Parce que c'est un peu la flemme en ce moment. Bisous. Papa la papa. Quand ce détail